Deux. Depuis longtemps déjà, le bruit avait cessé en bas. Le paysan et sa femme s'en étaient allés chacun à ses occupations. Nestor s'était échappé pour rejoindre ses amis. Blaireau avait disparu. Raymond se réveilla, frotta ses yeux et se demanda pourquoi il était là, dans le grenier, blotti dans le foin. Tout à coup, il se souvint. Il avait tant pleuré qu'il s'était endormi de fatigue sans doute. Quelle heure pouvait-il être? Le soleil descendait à l'horizon. L'enfant se pencha sur la trappe, ne vit personne, n'entendit rien. S'il voulait partir sans être vu, c'était le moment. Bientôt la Poupin reviendrait pour préparer le repas du soir. Il descendit par l'échelle qui faisait communiquer le grenier avec l'étable. Les vaches sommeillaient en ruminant. La Roussotte, sa favorite, entr'ouvrit un œil indifférent, comme il passait, et reprit son rêve de bête repue. La cour était vide. L'enfant se glissa furtivement et gagna la porte. Où allait-il? Il n'en savait rien. Là-bas, ainsi que le disait la bohémienne, partout, excepté où l'on ne voulait plus de lui. Il attachait ses yeux sur le paysage, confident de ses rêveries enfantines sur les champs déserts, la ville lointaine, la mer aimée et ingrate qui le repoussait, la route décevante qui ne lui avait pas apporté ce qu'elle lui avait promis, sur toutes ces choses familières qu'il voyait pour la dernière fois et qui lui paraissaient à cause de cela changées, plus belles, plus attendrissantes, se sentant tout autre lui-même. Il disait adieu au joli village gai, dont la grande rue tortueuse sépare les maisons très blanches. Adieu au vieux noyer sous lequel la vision radieuse lui était apparue. Adieu à la fontaine et à sa grille déjetée, si commode pour faire à la souplesse avec la sèche et les autres gamins, ses camarades. Adieu à Pitard le gros boucher, brave homme qui rit toujours et qui une fois l'a pris un bout de chemin dans sa carriole. Il finit de dételer son cheval dans la cour près de la maison aux marches branlantes, autour de laquelle croissent de maigres balsamines et de poussiéreux ricins. Adieu à la boulangère, Alida qui a de si beaux cheveux noirs luisants et qui souvent le lundi lui donnait un petit pain non vendu la veille. Adieu à l'école, à la classe fraîche l'été, chaud de l'hiver, grâce aux poils ronflants où il a passé les meilleurs moments de sa vie à écouter le maître si aimé et si injuste, hélas. Il voudrait bien l'apercevoir une dernière fois, mais les contrevents verts, les portes, tout est fermé hermétiquement, comme la cour de celui qui l'habite. La nuit vient, la lampe à pétrole s'allume chez la mère Rabaudin, l'épicière. Oh oh, les belles choses qu'elle a mises à sa devanture, débarrassées des mouches mortes, des pantoufles de lisière et de vieux boumons. L'image réclame de la jolie femme collée contre la vitre, semblant rire d'aise. Les attrayants jouets, les alléchantes sucreries roses et blanches. Tiens, c'est vrai, c'est Noël demain. Ce soir, bien des mamans heureuses rempliront les sabots de leurs heureux enfants. Vite, passons. Voici la cure. La porte est entrebâillée. On aperçoit le grenadier, si beau quand il a ses fleurs rouges ou ses lourds fruits couleur de soleil couchant. Si la vieille Angèle me voit, elle m'arrêtera sûrement, pour me dire de ne pas manquer la messe de minuit, pense-t-il. Où serai-je à minuit? Que cette rue est longue. Allons, plus vite. Le café du centre est brillamment éclairé ce soir, comme les jours de fête. C'est bien, en effet, une fête pour tous, sauf pour moi. Enfin, voici la place auprès de l'église. Là, Raymond est un peu chez lui. Que de fois il a joué à saute-mouton sur l'air banal où l'on dérange les poules en quête de grains perdus, ou dans l'épaisse couche de balles, on ne se fait pas mal si l'on tombe. Plus loin, sur l'herbe jaunie et maigre, des ronds de diverses grandeurs marquent la place des chevaux tournants, venus à la foire qui a lieu en octobre, quand les baigneurs sont partis et que les bourses sont pleines encore. En venait-il du monde de tous les côtés, bonnes gens? Pour manger les saucisses renommées avec les huîtres fraîches et boire le vin nouveau, pétillant et sucré. La route, les chemins, en étaient tout noirs et grouillants. Les voitures qui montaient et descendaient, bourrées de citadins endimanchés, se hélaient au passage. C'était un bon moment dans l'année, celui-là. quand la vendange avait été satisfaisante. La Poupin donnait quelques sous à son nourrisson pour acheter des sucres d'orge ou des craquelins de saujon, ou toute autre chose pas chère, ou encore pour monter aux chevaux de bois. Il hésitait longtemps dans une angoisse délicieuse, partagé entre son plaisir, sa gourmandise et ses autres convoitises. Il tournait autour de la boutique à 10 centimes, se demandant avec un battement de cœur ce qu'il choisirait des bagues en métal blanc, des épingles de cravate ornées de pierreries rouges ou vertes, des miroirs ronds. Il contemplait Nestor et ses autres camarades, tirant à la carabine ou au massacre, comme il riait quand la mariée ou le curé était touché et se renversait en arrière dans une posture inconvenante. Lui se sentait gêné. Il aimait mieux regarder les manèges. Son frère de lait, affalé sur un cochon bien frais, à la queue en trompette enrubannée, ses bras maigres en serrant nerveusement le groin rose, passait et repassait devant lui. Son visage apeuré, blême, conservait néanmoins cette expression de triomphante arrogance qui le rendait si haïssable. Enfin, après bien des hésitations, Raymond finissait par grimper sur un énorme lion à la gueule ouverte, qui montait et descendait par des bonds réguliers. Quel délice alors! Comme le pauvre petit oubliait toutes ses misères, il était dans ses pays fabuleux, dans ses déserts immenses étendus aux vagues de sable doré, dévorant l'espace sur la croupe frémissante du roi des animaux, comme disait le maître, libre, loin de toute humiliation et de toute souffrance. La musique des manèges, mêlée à celle du bal de l'auberge voisine, entrait dans la tête du pauvre petit et lui donnait un engourdissement qui aidait à l'illusion. Quand le cheval étique qui tournait autour de l'axe ralentissait sa marche et s'arrêtait, il descendait tout étourdi, chancelant comme ivre. Lorsque viendra la foire prochaine, le nourrisson de la Poupin ne sera plus là. Mais qui donc arrive par la petite rue déserte? Raymond connaît cette voix cassée au timbre de cloche fêlée. Tiens, c'est Denis, Denis le fou, le pauvre, pauvre Denis. Un mouvement instinctif de pitié et de sympathie le fait aller vers lui. N'est-il pas seul, abandonné et malheureux, lui aussi? Sa femme et sa fille l'ont quitté, voici bientôt 4 ans, pour s'en aller bien loin dans une grande ville. Depuis lors, il vit comme un sauvage, fuyant tout le monde. Peu à peu, le chagrin lui a fait perdre la raison. On ne l'enferme pas, il n'est pas méchant. La plupart du temps même, il est très raisonnable. Il cultive sa vigne, son petit jardin, élève des volailles qu'il va vendre au marché des Roches. Ce n'est que lorsque quelque chose lui rappelle son malheur, au moment des fêtes par exemple, qu'il est repris de sa folie douce. Alors il s'en va, il marche, il fait plusieurs fois le tour du village, interpellant les passants, parlant à des interlocuteurs imaginaires, chantant à tue-tête. Des voisins compatissants lui donnent à manger, veillent de loin sur lui. « Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer, dit-il à l'enfant ahuri, en s'approchant et lui faisant une profonde révérence. En même temps, il découvre un crâne chauve entouré d'une demi-couronne de cheveux blancs, embroussaillés, qui semble être la continuation de sa barbe en collier d'orang-outan. Il porte un baillot vide qu'il pose par terre. « La vendange a été bonne, reprend-il. Le raisin est gros à crever. Le vin sera fameux cette année. Nous en avons-y fait de la besogne aujourd'hui, bonnes gens. Enfin, nous v'la rendu juste avant la nuit. Quand on aura mangé un morceau, on en sera chez nous. Si le cours vous en dit, jeune homme, vous verrez ma femme et ma fille, deux belles personnes donc, qui s'entendent à sauter mieux qu'à travailler. Pourquoi que vous riez, vous autres? C'est peut-être pas vrai qu'elles sont mignonnes. Je vous défends de vous gausser d'elles. Et puis, c'est tant rigolo ce que je vous dis là. Je savais encore un peu ce que je disons. Pourtant, le père Denis n'est pas si envieux qu'on veut le dire. Il s'est bien levé la jambe, toujours joliment tenu. Et l'on l'on là, et l'on l'on l'air. La fille est là avec la mère, et l'on l'on l'air, et l'on l'on là. Adieu, bon père, moi je m'en vas. Le vieux chantait sur un air de bourré et faisait sonner ses sabots en cadence sur le sol gelé. Ses cheveux blancs s'envolaient, pitoyables, autour de sa tête. Ses yeux, de plus en plus hagards, se fixaient sur le pauvre petit qui tremblait. Et l'on l'on là, et l'on l'on l'air, l'enfant s'en va après la mère, et l'on l'on l'air, et l'on l'on là. Quoi que vous avez tous à me regarder, tasse de voyou, crie-t-il, je suis donc ben plaisant à mon âge, que je vous prête à rire. Attendez un peu, je vais vous montrer si le père Denis a quitté ses biceps. Raymond s'éloigne, effrayé, le cœur plus serré encore. Un instant, il a cru trouver dans le vieillard un protecteur, un ami. Mais non, il est trop fou. Certes, il est bien à plaindre, le pauvre homme, mais au moins lui, sa folie lui fait oublier sa peine. Il est heureux alors. Il chante et rit comme s'il n'était pas seul au monde, abandonné. Et puis il a sa maison, un abri contre le vent, le froid, les mille terreurs qui peuplent les ténèbres, un asile où passer la sombre nuit d'hiver, un asile. Que cela semble enviable au pauvre petit, accouché sur le sol dans le froid, dans ce noir qui vient. Non, non, mais où aller? Où aller? Et l'on l'on l'air, et l'on l'on là, le cimetière est près de là. Reprend le bonhomme en s'éloignant. Le cimetière? Eh oui, il a raison, Denis. C'est là le seul refuge possible. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on est bien. Les hautes pierres des tombes, les noirs cyprès, lui seront un abri contre la bise glacée. Dans cet enclos paisible, personne ne viendra le chercher. Personne ne le dérangera. Personne ne le chassera. Au fond de l'allée, des grands ormeaux dépouillés de leurs feuilles, la petite église apparaît, antique et massive, avec son clocher carré comme un donjon, sa façade unie, dorée par les lichens blonds. L'enfant ne s'y arrête pas. Qu'irait-il y faire? On ne lui a pas appris à prier. D'ailleurs, il n'oserait entrer dans cet endroit silencieux où flotte toujours un vague parfum d'encens qui ne lui rappelle que le souvenir de messe matinale où il s'endormait, de sermons qu'il ne comprenait pas, pendant lesquels ses yeux restaient fixés sur un joli trois-mâts, grand comme un joujou d'enfant, pendu en ex-voto dans la chapelle de la Vierge. Il n'a pas encore été au catéchisme. On ne lui a pas parlé du bon Dieu, comme d'un être invisible et sévère qui profite de ce qu'on ne le voit pas pour espionner le monde, qui sûrement l'enverra en enfer, lui, le nourrisson de la Poupin, pour ses crimes d'enfant. Il se le représente comme le maître de tous les maîtres, le patron de tous les patrons, le plus riche de tous les riches. Eh bien, si les petits de la terre sont méprisants et durs, s'ils traitent en paria l'orphelin, que fera-t-il alors, lui, qui est plus que tous. Raymond se glisse derrière les tombeaux, en forme de banc, de ceux qui furent les gens importants de la commune. Il cherche un chemin dans le fouillis des monticules, envahis par les ronces, qui marquent la place de ceux qui n'y furent rien. Quelques cyprès solitaires désignent des tertres plus soignés. Il arrive enfin auprès du mur de clôture, où dans les hautes herbes brûlées par le froid, se trouvent deux tombes jumelles, toutes pareilles, deux berceaux de pierre. Dans l'une repose une petite fille, presque de son âge, Alexima Gérard, morte à 8 ans, douce et charmante enfant que le Seigneur voulait avec lui au ciel. Un trou rond, creusé dans la croix, et fermé par une vitre trouble, abrite une petite tresse de cheveux bruns, jadis soyeux et doux, raides et roussis par le temps. À côté, Stylie se paraît, 7 ans. À la mémoire de leur petit ange, ses parents éplorés, qui espèrent le revoir au ciel. Malgré l'obscurité croissante, Raymond peut encore distinguer, au fond de la vitrine, une gravure coloriée, presque fanée. Elle représente une belle dame à crinoline, les épaules tombantes, sous un châle en pointe, la figure menue dans un chapeau en auvent. Elle se tient debout, son mouchoir à la main, devant un monument de marbre blanc, sur lequel sont peintes des larmes noires, grosses comme des poires. Ces deux tombes, avec cette tresse de cheveux et cette image prétentieuse, sont, après sa nourrice, ce que le pauvre enfant aime le mieux au monde. Cette femme si pâle qui pleure éternellement son enfant l'attire invinciblement. N'a-t-il pas perdu sa mère, lui? Justement, sa mère avait, comme elle, des mains fines et blanches. Bon sang, des doigts quasiment gros comme des pattes d'araignée et blancs comme l'hostie, avait dit la Poupin un jour qu'elle était en veine de confidence. Une autre fois, alors que timidement il lui demandait si sa mère était jolie, la paysanne avait répondu: « Jolie? J'ai pas fait attention à cette bêtise-là. J'ai vu que son argent, qui était bel et bon, on aurait dit qu'elle allait en avant des cent et des mille bonnes gens, à la manière qu'elle le laissait parti. Qui jamais aurait pensé qu'elle n'était qu'une pauvresse, tout comme les autres. Elle avait l'air si honnête, si timide, avec son parler doux de dame riche. J'ai cru que c'était la fortune qu'allait nous apporter avec toi, ou dans le pire qu'on serait récompensé de ses peines. Va te faire fiche, jolie avec son tout petit visage couleur de cire, même qu'elle m'a fait pitié, j'ai si bon cœur. D'ailleurs son chapeau avançait, c'était presque la nuit faillie. Or il voyait tout juste assez pour distinguer une poule d'un canard, je serions ben en peine de la reconnaître. Et reprenant le récit conté tant de fois. Je rentrions les bêtes lorsqu'une voiture s'arrête devant la porte de la cour. Descend une petite dame portant un enfant endormi qui me dit « Vous êtes ben dame Poupin ?»« Oui, bonne dame, pour vous servir, » que je dis. « Paraît que vous cherchez un nourrisson ?»« Oui, ben, que je dis. J'ai beaucoup de lait, mon petit vous profite, et je serions pas fâché de mettre quelques sous de côté pour l'élever, rapport à ce que nous sommes pas riches et que les temps sont durs. « Voulez-vous prendre mon enfant ?»« Volontiers, que je dis, si vous payez congrûment. » « Je vous donnerai ce que vous voudrez, qu'elle dit. » « C'est que, bonne dame, les enfants, ça fait avoir beaucoup de dérangements. Mettons 30 francs par mois, le sucre et le savon en plus. » « Ça me va, » qu'elle répond. « Tenez, voici 2 mois payés d'avance. » Et elle me tend un billet de 100 francs, comme je te tends à toi ce morceau de pain. Je n'en croyais pas mes yeux. Je restais là, imbécile, sans oser toucher le billet qu'elle posa sur la table. Enfin, l'estomac me revint. Je te pris dans mes bras, tu avais dans les 5 ou 6 mois comme Nestor, mais t'étais plus menu et chétif. Je reviendrai bientôt, qu'elle dit alors. Vous semblez être une brave femme. Soyez bas, mon Raymond, voici ses habits. En même temps, elle jeta un paquet par terre et s'en sauva. Je la croyais loin et je regardais les chemises de fine toile garnies de broderies, les langes aussi doux que des mouchoirs de poche. Lorsqu'elle revint, t'attrapa, se mit à t'embrasser comme une folle, puis repartit en courant. La portière claqua, la voiture disparut, avant que j'aie pu comprendre ce qu'était arrivé. Jamais pu aller revenu. Elle est timbrée, que je me pensais en mon par-dedans. Ou ben, c'est le mal au cœur de quitter son petit qui lui fait battre la berloque. Mais tout de même, elle semble une bonne personne, généreuse, qui comprend les choses. Ah, wish, ben bonne. De la crème tournée, quoi. Ben généreuse, 100 francs pour te nourrir toute la vie, c'est payé en effet. Ah là, sans cœur, elle se débarrassait de toi pour pouvoir mieux faire la fête, la coquine. Elle se déchargeait sur de plus pauvres qu'elle de soins de t'élever. Encore si elle avait laissé ton adresse, si elle avait dit comme que tu t'appelais. Mais rien pour te faire connaître, pas un mot d'écrit, pas un scapulaire, une médaille, une croix, comme il y en a qui en sont, qu'on raconte. Joli en effet. Elle est jolie, la misérable blagueuse. Depuis, Raymond n'avait plus jamais parlé de sa mère. Mais il y pensait sans cesse. Il espérait, et c'était le fond mystérieux de ses rêveries, il espérait qu'elle reviendrait un jour le chercher. Pour lui, ce tout petit visage couleur de cire, caché sous un chapeau qui avançait, était devenu vivant. Il le connaissait comme s'il l'avait toujours vu, penché sur lui. Peu à peu, il le confondait avec l'image de la dame du cimetière. Bientôt, les deux ne faisaient plus qu'une seule et même personne. Elle avait, sous son vêtement de deuil, une taille jeune et mince. Elle lui tendait ses mains secourables, ses blanches mains pures. C'est sur lui qu'elle pleurait, sur son isolement, sa souffrance. Il lui contait toutes ses peines. Elle y compatissait, le comprenait, le consolait. Elle l'accueillait toujours bien. Jamais elle ne doutait de sa parole. Tilis était son frère, et Alexina, sa sœur. Il leur parlait, il lui répondait. Chacun avait sa physionomie particulière, son timbre de voix distinct, si doux celui de la mère, si clair celui de la petite sœur. Il taquinait Alexina, jouait avec Stylis, mais surtout, surtout, il baisait dévotement les blanches mains. Il portait à ses amis des fleurs furtivement volées de ci de là, ou cueillies dans les bois. Coucou et primevère pâle au début du printemps, douce pervenche et blanche pentecôte un peu plus tard, rose et chrysanthème l'été et l'automne. Il les cachait sous sa veste le long du chemin. mais quand survenait une période d'accalmie, lorsque la poupin, satisfaite de la récolte ou de la vente des légumes, se souvenait qu'elle l'avait nourrie de son lait et se montrait meilleure, presque maternelle, il les oubliait. Il était si jeune et avait tant besoin d'être aimé. Le rêve est une nourriture creuse qui peut bien tromper un instant un cœur avide, mais qui ne saurait le satisfaire toujours. Comme alors il battait ce cœur, chaque fois que la paysanne s'approchait de lui, comme le pauvre enfant épiait chacun de ses mouvements. Ah, si elle l'avait pris dans ses bras, combien goulûment il lui aurait rendu sa caresse. En elle, il eût étreint en même temps et son rêve, et la réalité proche, vivante, dont il avait tellement soif. Mais la poupin ne songeait jamais à l'embrasser. Pourtant, jusqu'à maintenant, il s'était fait illusion. Il croyait qu'elle l'aimait un peu, beaucoup moins que Nestor, bien entendu, mais enfin un peu. Il s'est trompé. Elle ne l'aime pas ou elle ne l'aime plus, si elle l'a jamais aimé. Personne ne l'aime. Blaireau lui-même, le volage Blaireau, l'a abandonné. Ce soir, est-ce le froid intense qui l'envahit jusqu'au cœur, ou l'obscurité croissante qui l'enveloppe de tristesse? Mais il a beau appliquer, son esprit a retrouvé son rêve. Son rêve lui-même lui échappe. L'image de la tombe n'est qu'une gravure à moitié effacée, vue à travers une vitre malpropre. Stylis, Alexina n'ont jamais existé pour lui. Ce sont des noms qui ne représentent rien. Tout à coup, la réalité le saisit. Ce qu'ils sont, il le devine maintenant. N'a-t-il pas, bien des fois, vu le fossoyeur faisant sa sinistre besogne dans le champ commun? Il sait ce que rencontre chacun des sombres monticules et les bandes riches aux flatteuses inscriptions. Horreur, horreur, c'est la nuit de Noël. Comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Dans un moment, d'après la légende répétée aux veillées, les morts vont sortir de leurs tombeaux. Mais oui, tenez, tenez, les voici déjà qui écartent de leurs mains des squelettes les mottes de terre gazonnées. Ils soulèvent péniblement les lourdes pierres, renversent les bancs, les croix, les colonnes. Les voilà tous sortis. Le cimetière bouleversé de fond en comble ressemble à un champ labouré où grouille une armée de spectres. Les petits, Stylis et Alexina, qui se sont attardés, courent et sautent par-dessus les obstacles pour se mettre derrière les autres. En bandes serrées, deux à deux, ils marchent, ils approchent, ils chantent, mais c'est horrible. Les voilà tous qui chantent maintenant. En se dandinant, ils entrechoquent leurs os pour scander labouré. Et l'on l'on là, et l'on l'on l'air, l'enfant est là avec la mère. Et l'on l'on l'air, et l'on l'on là, le cimetière, nous y voilà. Non, non, crie l'enfant, saisi d'une indicible terreur. Non, je ne veux pas. Et grelottant de fièvre, brisé par le chagrin, vaincu par la faim, le froid, la peur, il tombe évanoui sur l'herbe blanchie par la gelée.